qui ont jamais aimé les choses que j'ai faites. Je parle à tous ceux qui sans moi sentiraient comme un pet. Je parle à tous ces jaloux, jalouses qui rient de mon travail, qui se moquent de la façon que je fais quelque chose quand c'est pas comme eux autres, yeah. Quand je travaille un projet qui peut me faire tenir à cœur, quand je livre un combat pis que j'ai fucking besoin d'aide, faut aider les autres dans les moments les plus bas, mais surtout pas demander l'aide parce que pour eux c'est juste faire dire. Je parle à tous ceux qui jalousent des projets que je prépare. Pourtant dans mon entourage, y'en a pas gros que c'est fort. Je voudrais pouvoir aimer ce que je fais, pis fuck tout le reste, pis lâchez-moi ces crises de jalousie quand c'est pas comme vous. Vous me faites des astuces quand je vous montre de quoi nouveau. Pour vous quand c'est nouveau, c'est automatiquement pas beau. Pourquoi faut tout le temps se faire dire des hosties de sottise? C'est quoi vas-tu falloir jouer ou perdre une crise, yeah. C'est là que je peux plus faire confiance à personne. La boule de rage de stress, ou à ça je la garde en dedans. Les coups de couteau dans le cœur, je ressens quand tu colles du pire. J'ai fait de quoi nouveau, pis toi tu trouveras toujours pire. Je parle aux personnes, j'ai les plus proches. C'est assez, m'a pété ma coche. Sérieux, m'empêcherai pas de vous dire, mangez donc de la merde. C'est la nouveauté qui embarque. Ben oui, je rappe tabarnak. Je te regarde en face de moi, je continue de croire en moi. Ta face, je vais tripper, mais je vais rester calmé. T'essaies encore de me rabaisser, pis tu vas l'avoir mérité.